Alors, Philippe Zarca, le rêve de tout radio-astronome, c'est évidemment aussi de sortir du système solaire et d'aller en direction des étoiles. Et il y a des émissions très fortes, et la première émission connue, c'est celle des pulsars. Alors, on va écouter plusieurs pulsars avec différentes fréquences, mais avant, vous pouvez sans doute nous rappeler ce qu'est un pulsar et ce que l'on va entendre, et quelle est l'originalité du son du pulsar. Alors en fait, bon, là encore, hein, on ne va pas du tout entendre de son réel, mais une transposition sonore des impulsions produites par le pulsar. Les pulsars, ce sont des objets très exotiques qui ont été découverts en 67, accidentellement, hein, dans un observatoire où travaillait une jeune Anglaise appelée Jocelyn Bell. Et c'est son patron qui a eu le prix Nobel, mais bon, il avait aussi travaillé. Hein. Alors, il s'agit d'astres qui émettent des impulsions extrêmement régulières dans le temps. Par contre, l'intensité des impulsions peut varier. Elles peuvent être plus ou moins fortes les unes après les autres. Mais par contre, elles sont très régulières, à tel point que lors de leur découverte, on a cru que c'était des signaux artificiels. Et la première source a été appelée, c'est notoire, LGM-67, qui veut dire Little Green Men, les petits hommes verts, parce qu'on croyait que c'était les petits hommes verts qui les émettaient. Et on s'est aperçu très rapidement, hein, en l'espace de quelques mois, on s'est aperçu qu'en fait, la théorie avait déjà prédit des astres exotiques qui présenteraient des propriétés analogues à celles qu'on observait. Alors il s'agit d'étoiles à neutrons, et qui sont en rotation très rapide et qui produisent des faisceaux d'ondes radio. Qu'est-ce que c'est qu'une étoile à neutrons? C'est le résidu d'une étoile plus massive que le Soleil, qui fait un peu plus qu'environ 3 fois et demi à 4 fois la masse du Soleil, et qui, à la fin de sa vie, va d'une part exploser en supernova, donc éjecter une partie de sa matière pour faire une nébuleuse autour, donc comme celle du crâne par exemple, et ce qui reste à l'intérieur va s'effondrer sous l'effet de sa propre gravitation pour donner un astre extrêmement petit qui par exemple concentre la masse du Soleil en une sphère d'une dizaine de kilomètres de rayon. Donc très dense. Extrêmement dense. Et alors vous voyez, le Soleil c'est 1 million de kilomètres, hein, en gros. Là on est concentré en 10 kilomètres. Alors par le même phénomène que la patineuse qui replie ses bras, l'astre se met à tourner beaucoup plus vite, ce qu'on appelle la conservation du moment cinétique. Le Soleil tourne sur lui-même en un mois. S'il s'effondrait dans une sphère de 10 km, eh bien, il se mettrait à tourner sur lui-même en de l'ordre d'une seconde. Et le champ magnétique, lui aussi, est concentré par cet effet d'effondrement. Donc, on a des astres très petits, qui tournent très vite, qui ont un très fort champ magnétique. Donc, ils vont produire des ondes radio, à cause des électrons qui se baladent dans ce champ magnétique. Ces ondes radio sont très directives, comme le faisceau de phare. Et quand, en général, on pense qu'il y a un faisceau qui sort du pôle nord, un faisceau du pôle sud magnétique de l'astre. Et quand la Terre est orientée par hasard dans la bonne direction par rapport à l'un de ces faisceaux, eh bien, on est balayé par un faisceau à chaque tour. Alors, on écoute un pulsar. C'est un vrai métronome. Absolument, c'est vraiment l'une des propriétés majeures du pulsar. Alors celui-là porte le doux nom de 0329+54. Alors sous ce nom ésotérique se cachent simplement les coordonnées des pulsars. On a l'habitude de nommer les pulsars d'après leurs coordonnées équatoriales dans le ciel. Donc c'est 3h29 d'ascension droite, 54 degrés de déclinaison nord. C'est toujours aussi régulier ? Alors voilà, les pulsars sont de manière générale très réguliers. Ce sont parmi les objets les plus réguliers de l'univers, hein, puisque encore une fois c'est une rotation d'un objet qui est dans l'espace vide. De temps en temps les pulsars ont des petits hoquets. Alors on en connaît un peu plus d'un millier actuellement, et de temps en temps ils ont des hoquets, et la période change très légèrement à la suite d'un de ces hoquets. Elle change très légèrement et définitivement jusqu'au hoquet suivant. S'il y en a un, il peut y en avoir un des années, des décennies après. Et ces hoquets, on a compris donc là, après des études théoriques, qu'il s'agissait en fait d'espèces de petits tremblements de pulsars. C'est une réorganisation de la matière du pulsar qui se réeffondre sur elle-même, et donc qui change le... On a vraiment un effondrement à la surface du pulsar, un réarrangement de la matière. Ça change un tout petit peu le moment d'inertie, la répartition des masses dans le pulsar, et comme on conserve le moment cinétique, si on change la répartition des masses, on va changer un tout petit peu la période de rotation. Les pulsars, Philippe Zarca, ont servi à la métronomie. Ils ont servi à caler des horloges pendant un certain temps. Absolument. En fait, la métrologie en fait, alterne en permanence entre les études de laboratoire qui se fondent par exemple sur des raies d'atomes de césium par exemple, et puis les études astronomiques qui se fondent sur des objets ultra stables comme les pulsars. Alors régulièrement la palme de la précision est dans l'un des deux camps. Actuellement elle est dans le camp du laboratoire, mais les études en cours sont peut-être en train de la tirer dans l'autre sens. Alors on va écouter un autre pulsar avec une fréquence différente, et celui-ci se trouve dans la constellation de la Voile. Là, c'est l'école de samba, quand même. C'est pas la musique classique. Si on compare, en fait, le premier qu'on a entendu, le pulsar 0329, là, il y avait à peu près on entendait à peu près une impulsion par seconde. En fait, c'est toutes les 0,7 secondes. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'étoile à neutrons, hein, qui est à des dizaines, des centaines d'années-lumière de nous, fait un tour sur elle-même à chaque seconde. Vous imaginez cet objet de 30 ou 50 km de rayon qui fait un tour en 0,7 secondes. Et alors ça veut dire aussi que l'objet doit avoir une cohésion fantastique pour ne pas se disloquer en fait sous l'effet de la force centrifuge. Et celui qu'on vient d'écouter, le second, lui a une fréquence qui est entre 1 et 2 dixièmes, enfin une période qui est entre 1 et 2 dixièmes de seconde. Donc il fait 5 à 10 tours sur lui-même par seconde. Une vraie toupie. Absolument. Alors la manière dont ces sons sont produits est très différente de celle dont les sons de Jupiter et du Soleil ont été produits en fait avant. Ici, on ne fait pas vraiment une analyse en fréquence en fait du pulsar. On se sert simplement des variations d'intensité qui sont observées à une fréquence donnée. Donc on observe les impulsions, les unes après les autres, qui varient en intensité mais pas en fréquence, qui sont très régulières. Et on s'en sert pour moduler un générateur de bruit audio. Et c'est ce qui donne en fait ce battement, en fait, comme une espèce de métronome. Alors le célébrissime pulsar, c'est le pulsar du crabe. D'abord parce qu'il a été observé par les Chinois en 1054, ouais. Si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc il a été visible dans le ciel à l'œil nu, et qu'ensuite on a retrouvé grâce aux instruments modernes cette explosion et retrouvé le cœur de la supernova, donc cette étoile à neutrons qui tourne sur elle-même. Pulsar du crabe que l'on écoute. Alors là, on a compris grâce à vos explications que ça allait vite, mais on a l'impression que ça va totalement exploser à cette vitesse-là. 30 tours par seconde. 30 tours par seconde. En fait, on calcule que le pulsar du crabe est probablement à la limite de stabilité, à la limite de la dislocation, sous l'effet de sa rotation. Il y a des pulsars qui tournent beaucoup plus vite que ça, et des pulsars qui... c'est resté longtemps l'un des plus rapides. Je pense que ce n'est pas le plus rapide aujourd'hui. Mais il y a des pulsars qu'on appelle les pulsars millisecondes, donc, qui tournent en quelques millisecondes. Le pulsar du crabe, c'est 30 millisecondes. Finalement, au bout d'un certain temps, les pulsars ralentissent sans doute à tourner, à perdre de l'énergie, une sorte de ralentissement naturel. Oui, effectivement, c'est très très lent. Et alors, si le pulsar était simplement une toupie isolée dans l'espace, il tournerait indéfiniment, tant qu'il ne se déforme pas, hein, tant qu'il n'y a pas de réarrangement de la croûte, il tournerait indéfiniment avec la même période. En fait, comme on voit par le fait de l'existence des ondes radio qu'un pulsar possède un champ magnétique, la rotation de ce champ magnétique va entraîner toute la matière chargée au voisinage du pulsar dans un espèce de balai infernal en fait de rotation avec le pulsar. Donc on a une espèce de pale d'entraînement, de moteur de chevaux là, d'entraînement centrifuge qui va faire tourner tout le système. Alors ça tourne tellement vite que dès qu'on s'éloigne du pulsar de quelques fois son rayon, la matière est entraînée à une vitesse qui bientôt devient égale à la vitesse de la lumière. Alors évidemment, c'est ce qu'on appelle le cylindre lumière autour du pulsar. Évidemment, elle ne peut pas atteindre cette vitesse et encore moins la dépasser. Donc cette matière va freiner, va tirer en arrière. Et cette espèce de frottement magnétique entre le champ magnétique du pulsar et la matière ionisée qui est à l'extérieur va effectivement le ralentir, mais le ralentissement est extrêmement lent, extrêmement faible. C'est l'explosion de l'étoile qui met en rotation le cœur le pulsar lui-même. C'est au moment de l'explosion que cette impulsion s'organise pour mettre en rotation l'étoile ? Alors non, pas du tout. L'explosion, en fait, elle est plus ou moins isotrope selon les étoiles, mais en tout cas, elle ne donne pas d'impulsion particulière. Elle va propulser les couches externes de l'étoile dans le milieu interstellaire pour créer l'enveloppe, la nébuleuse, le reste de supernova, en fait, qu'on observe comme une nébuleuse, celle du crabe étant très connue, effectivement, toute déchiquetée. C'est uniquement la conservation de la rotation que l'étoile avait avant, quand elle était de la taille d'une étoile plus grosse que le Soleil, qui, du fait de l'effondrement, va faire accélérer en fait l'étoile. C'est exactement, comme je disais, le mécanisme de la patineuse qui replie ses bras. La patineuse en fait s'appuie sur la glace pour commencer à tourner. Une fois qu'elle a commencé à tourner, on peut supposer que pendant quelques secondes elle tourne sans frottement, le fait de ramener ses bras vers elle va diminuer ce qu'on appelle son moment d'inertie, c'est-à-dire sa résistance à la rotation. Et donc, sa vitesse de rotation va pouvoir augmenter. C'est exactement ce qui se passe. En s'effondrant sur elle-même, l'étoile accélère naturellement. Quels sont, Philippe Zarca, les cibles des radioastronomes? Est-ce que l'on peut tout écouter? Est-ce que l'on peut écouter les autres étoiles? Est-ce qu'on peut écouter en dehors des pulsars, les trous noirs, les étoiles binaires? Est-ce qu'on peut écouter les galaxies? Est-ce qu'on peut écouter, je dirais même, le son du Big Bang, ou en tout cas l'information qui nous provient de l'événement initial il y a plus de 13 milliards d'années? Est-ce qu'on peut tout transformer en son pour l'écouter? Heureusement que vous avez dit tout transformer en son, parce que j'allais vous dire, mais Alain, arrêtez de parler d'écouter. En fait, on peut observer en ondes radio une très vaste gamme d'astres. On peut observer des radiogalaxies, on peut observer des pulsars, on peut observer des planètes, des étoiles à éruption en particulier. Alors, les observations sont très différentes selon qu'on observe une grande gamme de fréquences, ce qu'on appelle des observations en continuum. C'est le cas quand on observe par exemple le Soleil ou Jupiter, on observe une très grande gamme de fréquences et on en fait l'analyse spectrale, on décompose l'énergie sur les différentes fréquences. Ou alors on fait l'observation de raies, c'est-à-dire de bandes de fréquences très étroites qui correspondent par exemple à une transition atomique ou moléculaire particulière. Par exemple, la plus connue est celle de l'hydrogène neutre. L'hydrogène, donc un proton et un électron, hein, l'atome le plus simple et le plus abondant dans l'univers, eh bien, possède en particulier deux états d'énergie qui correspondent à, de manière imagée, un alignement ou un anti-alignement de l'électron et du proton. Et la transition entre ces deux états correspond à une toute petite différence d'énergie qui correspond à un rayonnement radio à une longueur d'onde de 21 cm. Donc ça, c'est une raie qui est émise à une fréquence bien précise qui peut être modifiée par le mouvement de l'astre qui l'émet, par ce qu'on appelle l'effet Doppler, et c'est évidemment la cible de beaucoup d'observations radioastronomiques. Alors, convertir ces observations en son, ça va dépendre de la structure en fait de ces observations. Si on a une émission dans une raie d'une galaxie qui ne change pas trop au cours du temps, la traduction sonore va être un peu ennuyeuse en fait. On va avoir essentiellement une note qui ne varie pas au cours du temps. C'est à partir du moment où on a de la dynamique, de la variation temporelle, que ça devient intéressant. Alors dans le cadre d'un pulsar, ce qui varie évidemment, c'est dû à la rotation du pulsar, et donc l'impulsion qui arrive l'une après l'autre avec des variations d'intensité. Dans le cas du Soleil et de Jupiter, c'est la variation de la répartition de l'énergie sur les différentes fréquences. C'est ça qui donne un intérêt à la traduction sonore. Dans le cas de certaines étoiles, ça peut être comme des battements, comme des mouvements que détectent les satellites qui regardent ces enveloppes de gaz. Alors, si vous pensez à Corot, par exemple, ce ne sont pas, si ce sont des vibrations, des oscillations de l'étoile, on ne les détecte pas en radio, celles-là. Ce qu'on détecte en radio, de manière générale, et en particulier aux basses fréquences, donc à part les raies dont j'ai parlé, les raies comme l'hydrogène et les raies moléculaires, ce qu'on détecte en continuum, ce sont essentiellement les rayonnements émis par la matière chargée, ionisée, donc les électrons et les ions, souvent dans des champs magnétiques. Et donc, ces phénomènes sont produits par l'émission de bulles de gaz, par exemple les étoiles à éruption. On pense qu'elles produisent des éjections de matière similaires aux éruptions solaires, mais beaucoup plus énergétiques, monstrueuses, qui produisent là aussi des chocs, des faisceaux de particules, des ondes radio. Merci Philippe Zarca, merci à vous de nous avoir suivis, et on écoute pour le plaisir du mouvement, en tout cas de l'illustration sonore. Je fais attention maintenant, je ne dis plus du son. Absolument, hein. J'ai bien compris la leçon. Le soleil.